tu sois musclé. Le prolique vient tout droit de Moscou. Je suis avec Moscou et j'entends l'ennemi crier au secours. Je préfère occulter les billets plutôt que compter sur les autres. Viens pas plonger si t'as pas piégé. Jamais perdu le chemin de la maison. Complètement garage, on a tout ramassé dans la baraque. Je pourrais pas attacher mes cheveux avec ce genre de barrette. Des millions de vues. Et pourtant je m'en vante, ah, j'ai toujours pas changé, ne reviens pas me checker. C'est dans la bagarre quand tu rentres, ah. On rentre par la tête quand tu dors, eh. Autant qu'on brasse et toi tu prends l'air. J'ai tout fait, maintenant je peux aller prendre l'air. En ce moment je déborde, la carte sujet que je voudrais aborder. Pourquoi cette personne là il me porte l'air. J'ai la haine, eh. L'air qu'à coller sur le textile. Il ou elle videra la caisse, caisse. Si t'es pas trop déter, tu peux partir. Eh, demande à Kier, Kier, non, je te parle pas si t'as pas de cœur, cœur, lit. Tu crois que je vais donner mon cœur, cœur, là, garde la chupette, tu peux repartir. J'ai charbonné toute ma vie, j'aurais pu donner toute ma vie. Tu veux me donner ton avis, moi la nuit je fais le tour de la ville. J'ai charbonné toute ma vie, j'ai trop donné toute ma vie. Je suis rempli d'ennui, je suis rempli d'ennemis. J'ai charbonné toute ma vie, j'aurais pu donner toute ma vie. Tu peux me donner ton avis, moi la nuit je fais le tour de la ville. J'ai charbonné toute ma vie, j'ai trop donné toute ma vie. Je suis rempli d'ennui, je suis rempli d'ennemis. Tout est bueno, t'inquiète pas ici tout va péler. Lisière, Akhaï, Akrapovic, pas, pas, si tu prends pour un PD. J'ai même plus d'appétit, le rap c'est trop facile. Arrête de raconter ta vie quand t'as fini, si je suis là-bas, bah tu me fais signe. Miroir, miroir, tu vois qui fait mieux. Miroir, miroir, qui peut m'enculer. Ils sont maladeux, ils savent même pas que c'est moi le plus rancunier. T'as trop mangé sur le gâteau, tu te demandes maintenant pourquoi t'es assez lent. Tu m'as jamais vu assez loin, si t'as raté on reviendra aussitôt. Ainsi font les petites marionnettes. Ils font les marioles, y a peu penché pour l'air. On a pris les mecs, on a recommencé, on a chauffé le couteau, on a redétaillé. Là c'est l'air qui revient, si t'es pas sûr de le faire, vaut mieux pas essayer. Ainsi font les petites marionnettes. Ils font les marioles, y a peu penché pour l'air. J'ai charbonné toute ma vie, j'aurais pu donner toute ma vie. Tu veux me donner ton avis, moi la nuit je fais le tour de la ville. J'ai charbonné toute ma vie, j'ai trop donné toute ma vie. J'suis rempli d'ennui, j'suis rempli d'ennui.